se coucher le soleil. Regarde un peu la lune se lever. Te rappelles-tu ce profond sommeil? Refusait d'aller se coucher. On rêvait d'être à nouveau tous ensemble. On dirigeait déjà notre destinée. Et puis bien vite arrive décembre. Puis bien vite ils se sont quittés. Dis-toi comment. Don't.